Vocabulaire anglais, méthode audio approfondissement. Copyright 2008, Chambers Hara Publishers Limited, sur une idée originale de Rose Lee Hayden. Welcome. Bienvenue. Avec cette méthode ARAPS Michel Thomas de vocabulaire anglais, vous allez pouvoir enrichir votre vocabulaire en partant des connaissances de la structure de la langue acquises dans les méthodes débutant et perfectionnement de Michel Thomas. Cette méthode s'adresse également à tous ceux qui, sans avoir appris l'anglais avec Michel Thomas, ont un niveau moyen en anglais et souhaitent rafraîchir leurs connaissances et apprendre du vocabulaire nouveau. Comme le disait Michel Thomas, son rôle à lui était de construire la maison, c'est-à-dire la structure de la langue, mais c'était à vous de la décorer, avec du vocabulaire. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans cette méthode, grâce à laquelle vous allez pouvoir aller plus loin, en partant de ce que vous avez appris dans les méthodes d'anglais débutant et perfectionnement de Michel Thomas. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi ces cours, je vous invite vivement à le faire. Vous serez étonné de la facilité avec laquelle vous allez apprendre l'anglais ou consolider vos connaissances grâce à une méthode d'apprentissage des langues unique en son genre. Comme ceux qui connaissent l'approche de Michel Thomas le savent bien, et comme les nouveaux venus l'apprendront bientôt, la méthode ARAPS Michel Thomas repose sur quelques règles de base aussi solides que surprenantes. Je vais commencer, comme le faisait Michel Thomas, par vous livrer ces quelques règles d'or qui vont vous permettre d'enrichir votre vocabulaire anglais à la manière de Michel Thomas. La première règle d'or est fondamentale. Il s'agit de vous détendre. Si vous êtes tendu, apprendre n'est plus un plaisir et vous passerez à côté du sentiment de jubilation et de réussite qui est à la base de votre apprentissage. La deuxième règle d'or est tout aussi importante. N'essayez jamais de vous souvenir de ce que vous apprenez. Si vous voulez apprendre à la manière de Michel Thomas, il vous faut en effet abandonner quelques vieilles habitudes. Laissez donc au placard ce besoin pressant de mémoriser, d'apprendre des listes par cœur, de prendre des notes, de faire des devoirs, etc. car c'est précisément ce qu'on vous demande de ne pas faire. Règle d'or numéro 3. Prenez votre temps et réfléchissez bien avant de répondre. Et pour finir, la règle d'or numéro 4, il est impératif de participer, d'intervenir et de ne jamais se contenter d'écouter passivement. Michel Thomas savait que ces quelques règles de base constituaient le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère, et comme il le disait souvent, ce que vous avez appris sera absorbé et intériorisé naturellement, et vous n'oublierez pas les connaissances que vous aurez acquises. Dans cette méthode de vocabulaire anglais, vous allez devenir le troisième membre d'un groupe un peu particulier, un groupe formé de deux personnes de langue maternelle anglaise, Sarah, qui est britannique, et Vincent, qui est américain. Les différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain sont relativement limitées. Elles concernent surtout la prononciation et l'intonation, ainsi qu'un certain nombre de mots de vocabulaire et dans de rares cas, l'orthographe. Donc, ne vous inquiétez pas à ce sujet et contentez-vous de participer activement à notre groupe afin de consolider les nouveaux concepts et mots que je vais introduire. Voilà, je vais vous expliquer comment ça marche. Je commencerai par introduire un nouveau concept ou une nouvelle expression, puis je vous inviterai à les employer dans une phrase en vous demandant « Comment dites-vous ?» Et là, ce sera à vous de compléter. À chaque fois que vous m'entendez vous poser cette question, appuyez sur le bouton « Pause » de votre lecteur de CD afin d'avoir le temps nécessaire pour trouver la réponse. Prenez votre temps avant de donner la réponse à voix haute. Une fois que vous avez répondu, vous pouvez continuer et c'est alors que vous entendrez la réponse correcte dite par l'un des deux locuteurs de langue anglaise, donc Sarah ou Vincent, puis par moi-même. Si vous êtes au volant ou que vous ne pouvez pas vous interrompre dans vos activités, un court temps de pause est marqué sur le CD pour vous permettre de répondre. Au cours de ces échanges de questions-réponses, vous serez surpris du nombre de mots que vous connaissez déjà et que vous êtes capable d'utiliser en anglais. Si vous ne vous sentez pas tout à fait sûr de vous, n'hésitez pas à reprendre la partie qui vous pose problème. Il est tout à fait normal et même souhaitable de revenir sur ce qu'on a déjà vu avant de passer à l'étape suivante. De fait, Michel Thomas concevait ses cours de telle manière qu'il était impossible de passer au point suivant si vous n'aviez pas compris et assimilé ce qu'il vous apprenait au cours des étapes précédentes. Une dernière remarque à ce sujet. Tout comme Michel Thomas nous le rappelait, il existe une large base commune entre le vocabulaire français, French vocabulary, et le vocabulaire anglais, English vocabulary. Et moyennant quelques transformations basiques, vous pourrez produire par vous-même plusieurs milliers de mots. Il faisait également remarquer que notre active vocabulary est très limited. Et ce, dans la plupart des langues. Entre 800 et 1500 mots nous permettent de communicate in English. Dans cette méthode, qui est divisée en trois parties, de nombreux mots et expressions seront revus ou introduits. Des mots et expressions que, dans la plupart des cas, vous connaissez déjà et qui attendent simplement que vous les transformiez en anglais. That you transform them into English. Dans la première partie, vous découvrirez un certain nombre de transformations conçues pour libérer en quelque sorte le English vocabulary que, sans le savoir, vous connaissez déjà en tant que francophone. La deuxième partie est plus particulièrement consacrée aux verbes, à la révision de la structure de la langue et à la construction de nouvelles structures basées sur des verbes que vous avez peut-être déjà employés dans les méthodes Harrap's Michel Thomas, débutant et perfectionnement, ainsi que de nouveaux verbes que vous allez apprendre ici. Dans la troisième et dernière partie, vous apprendrez des expressions de tous les jours et découvrirez des astuces qui vous seront très utiles dans cette nouvelle étape de votre apprentissage de l'anglais pour asseoir vos connaissances et votre confiance en vous. Je suis ravi et honoré d'être votre guide dans cette aventure qu'est l'apprentissage du vocabulaire anglais à la manière de Michel Thomas. Pour reprendre l'une de ses expressions favorites, ensemble nous allons faire passer cette fameuse balle au-dessus du filet. Michel Thomas insistait beaucoup là-dessus. L'important, c'est de faire passer la balle au-dessus du filet, c'est-à-dire de communiquer. Si la balle passe par-dessus le filet, on va pouvoir vous la renvoyer, c'est-à-dire que vous obtiendrez une réponse de votre interlocuteur. Même si vous faites de petites erreurs de forme ou de prononciation, on vous comprendra et on vous répondra en vous reprenant éventuellement, ce qui vous permettra de comprendre par vous-même vos éventuelles erreurs. En tant que francophone, vous connaissez de fait plusieurs milliers de mots anglais qui n'attendent que vous pour les transformer. To transform them, du français à l'anglais. Ces mots anglais si proches de leurs équivalents français, des mots courants et pour la plupart d'origine grecque ou latine, sont très nombreux. Considérez-les comme vos meilleurs amis. Certes, il existe quelques faux amis, ces mots qui se ressemblent mais n'ont pourtant pas le même sens dans les deux langues, mais de manière générale, vous pouvez compter sur les nombreuses similitudes qui existent entre le français et l'anglais. Et vous conviendrez que c'est tout de même un sacré atout. Dans cette première partie, grâce à ces simples transformations pour passer d'une langue à l'autre, je vais vous parler de nombreuses manières d'enrichir votre vocabulaire anglais. Vous verrez qu'une fois que vous maîtriserez ces simples transformations, vous serez capable de construire par vous-même des centaines d'autres mots anglais. Pour ceux qui ont appris l'anglais avec les méthodes Harrap's, Michel Thomas, débutant et perfectionnement, vous aviez déjà appris un certain nombre de ces transformations qu'il vous invitait à employer pour vous aider à inventer, invent, votre propre English vocabulary. Nous allons revoir ces transformations et en apprendre de nouvelles.